Lettre 114e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, mars 305. La dernière heure approche. Je vais au-devant d'elle avec toute ma présence d'esprit, avec ma jeunesse, avec ma santé. Cette situation est bien différente de celle d'un vieillard qui ne tient plus que par un fil à la vie ou de celle d'un homme atteint par une maladie qui le mine peu à peu ou par des douleurs cruelles qui le forcent à la désirer. Mais moi, plein de vie, je puis me dire « Demain, à cette heure, je n'existerai plus. » Des millions de créatures peuvent avoir cette idée. Elle devra même être toujours présente, mais l'incertitude et l'exemple journalier du contraire l'affaiblit. On sait qu'on doit mourir, sans doute, mais si l'imagination s'en occupe, c'est pour en reculer le moment. L'homme le plus sage, le plus prévoyant, se borne à être vigilant et à se tenir prêt pour la dernière heure sans savoir quand elle arrivera. Mais moi, je sais positivement que demain, à cette heure, tout sera dit pour moi sur cette terre, et que mes yeux seront délivrés du voile qui leur cache les mystères de l'éternité. Demain, ce corps avec lequel je pense, j'agis, ne sera plus qu'une masse froide et insensible, qui ne sera bonne qu'à rentrer dans la terre, son véritable élément. Agathoclès n'existera plus, son activité aura cessé, ses amis ne le reverront plus, l'oreille n'entendra plus le son de sa voix. Et son âme ? Elle se détourne effrayée à la seule idée de la destruction. Mais bientôt, rejetant les systèmes subtils d'une vaine philosophie, elle embrasse avec joie, avec une foi vive, les promesses consolantes de la religion. Oui, mon âme vivra d'une vie éternelle. Je ne connais pas encore les conditions de ma future existence. Nous sommes devant la porte fermée et nous nous tourmentons à supposer des possibilités, des vraisemblances. L'aveugle né se fait, dit-on, une juste idée des couleurs, et si ses yeux s'ouvrent au jour, il les reconnaît tels que son imagination les lui avait représentés. Je ne sais s'il en sera de même de ce qui nous attend au-delà de cette vie. Le seul point dont nous pouvons être sûrs, c'est que celui qui eut de bonnes intentions et le cœur plein d'amour et de confiance en son Dieu sera plus heureux qu'ici-bas. Ma volonté était-elle bonne? Voilà donc ce que je demande à ma conscience dans cet instant solennel. Oui, elle le fut. La conscience d'un mourant lui donne ce témoignage dans le moment redoutable où toute illusion l'abandonne. J'avais une grande idée dans le cœur. J'ai sacrifié pour qu'elle se réalisât tout ce que les hommes ont de plus cher, et si je me suis trompé, je porte la peine du genre humain. Je perds la vie. Mais je n'ai pas seulement sacrifié mon bonheur. J'ai détruit celui de l'être qui en était le plus digne, de l'épouse que Dieu, dans sa bonté, m'avait donnée, et que j'avais promis devant lui de rendre heureuse. Étais-je le maître de la priver du bonheur? Ô Dieu de miséricorde, si cela ne m'était pas permis, si mon idée, mes vues, ne méritaient pas un tel sacrifice, si... Phocion, mon âme se perd dans le doute et l'agitation. De tels moments sont le désespoir, mais elle se relève éclairée et triomphante par la pensée que ma volonté était bonne. Et telle que le pilote que son étoile conduit à travers les mers orageuses, elle me fait sortir de la crainte et de l'obscurité, pour m'introduire dans le séjour de la paix et de la lumière. J'ai mis ordre à toutes mes affaires temporelles. J'écris encore une fois à Constantin pour lui recommander ma femme et mes enfants. S'il atteint le but vers lequel il marche à grands pas, ma tombe est le premier degré d'où il va s'élever. Je crois donc avoir quelques droits à sa protection. Tiridate et Calpurnie, amis fidèles et tendres, à qui je dois déjà beaucoup, se sont offerts d'emmener avec eux à Ecbatane ma veuve et mes orphelins, si je le désirais, et si je les croyais plus en sûreté auprès d'eux. Mais Théophanie désire de passer le reste de ses jours au milieu des chrétiens, à côté d'une amie, depuis longtemps éprouvée, qu'elle connaît depuis de nombreuses années. Quel asile peut lui procurer une cour, si l'idée venait à Galerius de répandre jusque sur les miens sa fureur et sa haine? Elle sera plus cachée et plus en sûreté à Apamée. Se dérober à tous les yeux, est-ce qu'elle peut faire de mieux pour sa sûreté? Je l'ai vue, je lui ai parlé encore une fois. J'ai donné ma bénédiction à mes enfants. Le souvenir de ce moment se retrace trop souvent à mon imagination, et quelque cher qu'il me soit, il me fait un mal affreux. Oui, j'y pense trop, car je dois être calme, mes liens terrestres sont déjà brisés. Je ne dois plus m'occuper que de l'avenir. Mais le cœur conserve avec opiniâtreté des droits imprescriptibles. J'aime, Faucion, aux portes de l'éternité, je sens que j'aime ma femme plus que jamais. Hier donc, j'ai eu la permission de lui faire mes adieux. Avec un cœur tourmenté, je me mis en chemin, escorté d'une forte garde commandée par 2 centurions et serré dans des fers qu'on relâcha cependant quand je fus arrivé dans l'atrium de ma maison. De loin, j'avais aperçu Calpurnie, mais dès que j'approchais, elle rentra dans l'intérieur. Je suivis lentement et en tremblant mes 2 centurions. Ils me précédèrent dans la chambre de Théophanie. Peu d'instants après, l'un revint pour m'introduire. La porte s'ouvre, et je vois cette femme chérie assise dans son lit, pâle, défigurée, me tendant les bras en poussant un cri. Calpurnie se retira en fondant en larmes et me laissa seul avec Théophanie, qui était sans connaissance entre mes bras. Ma voix, mon amour, la rendirent à la vie. Oh, Faucion! Le souvenir de sa douleur me déchirera l'âme, même dans le séjour de l'éternelle félicité, si l'on se rappelle ce qu'on a éprouvé ici-bas. Anéanti par la vue de tout ce que j'aime si fortement et que j'allais quitter pour jamais, je dus chercher, et pour elle et pour moi, le courage nécessaire. Je dus la consoler, l'amener à la résignation, et je fus assez heureux pour y parvenir. Je n'eus pas même autant de peine que je l'avais craint. Son âme, ouverte à tous les sentiments tendres, à la vertu, à la piété, à une soumission entière à la volonté de Dieu, reçut mes exhortations comme je le désirais. Elle me comprit et se fit violence. Elle eut la force de s'oublier elle-même pour porter ses pensées sur d'autres objets. Elle éprouva ce feu céleste qui si souvent avait embrasé son âme lorsqu'elle était présente aux conversations entre Constantin et moi. Elle ne fut pas seulement une épouse tendre, fidèle et désolée, mais une chrétienne dans toute l'étendue du terme. Ah, il est bien difficile de mourir pour un plan idéal, quoiqu'il doive, à ce que je pense, amener le bonheur du genre humain, lorsqu'on laisse derrière soi des êtres qu'on adore. « Mais vivre sans toi, sans toi !» me dit-elle en me serrant dans ses bras. « C'est bien plus encore, c'est une mort continuelle !» Je sentis la vérité de cette plainte si touchante. Le sentiment de son amour, de sa douleur, me pénétra de part en part. Je ne pus me contenir plus longtemps, et je fondis en larmes. Elle les regarda tomber, puis elle m'embrassa, et me supplia, au nom de l'amertume de son chagrin, de notre séparation, de notre amour, de lui accorder une prière que, depuis bien du temps, elle gardait dans son cœur, et dont l'espoir d'être exaucé lui avait fait supporter ses maux avec courage. Je donnai mon consentement sans restriction. Que pouvait demander une âme aussi pure qui ne fût pas d'accord avec la vertu? Elle eut d'abord quelque embarras à s'exprimer, mais ensuite elle me parla avec une douce éloquence de ses opinions et de ses espérances sur notre état après la mort, sur la vie éternelle, sur la liaison intime de nos âmes, sur la force de la sympathie, sur la toute-puissance et la grande bonté de Dieu. À mon grand étonnement, elle me développa avec une parfaite clarté un système aussi beau que singulier, basé sur des idées religieuses et platoniques. Ses raisonnements étaient si forts, si spécieux, présentés avec tant de chaleur, qu'elle éleva en moi les plus douces espérances, ne pouvant lui opposer que le manque d'expérience. Mais elle assurait que notre situation et le but de ma mort étaient un de ces cas rares, hors des règles ordinaires, et elle finit par me demander avec insistance de lui apparaître, si cela était possible, ou, si ce n'était pas en mon pouvoir, de lui promettre au moins de ne pas l'abandonner, de planer invisible autour d'elle et de nos enfants, afin qu'elle pût jouir de la consolation de croire à ma présence spirituelle et de me retrouver dans les inspirations subites, dans les mouvements de son cœur et dans les pensées de son âme, qu'elle croirait alors dictée par moi. Son imagination exaltée m'entraîna. Tandis qu'elle parlait et que ses yeux étaient animés d'un feu divin et d'une conviction entière, il me paraissait plus que probable que nous pourrions communiquer ensemble de cette manière et ne point nous quitter. L'enchantement de cette perspective n'a point encore diminué. Ni la religion ni la raison n'ont combattu victorieusement cette idée. Laisse-moi la nourrir et en jouir. Demain à 16 heures, je serai peut-être en esprit auprès d'elle et je ne m'en séparerai plus. Demain, du moins, tout me sera dévoilé. Je donnai à ma femme la parole sacrée qu'elle me demandait, mais je devais recevoir la communion avec elle comme le sceau de ma promesse. Elle croyait que cette sainte cérémonie rendrait notre lien plus indissoluble. Je le lui promis aussi. Ah, Qu'aurais-je pu refuser à cette âme douce et tendre que j'avais si profondément déchirée? Je sentais aussi que cela me ferait du bien. Entièrement satisfaite et calme en apparence, elle fit venir nos enfants. Elle posa sur mes bras enchaînés la nouvelle-née, ma petite Larissa, si vivement désirée, pour que je la bénisse. Mon fils, assis à mes pieds, s'amusait avec mes chaînes, passait ses petits doigts dans les anneaux, les soulevait de sa faible main et riait du bruit qu'elle faisait en retombant. Quel moment pour le cœur d'un père! Cette enfant orpheline au moment de sa naissance, mon fils plein d'espérance, dont l'éducation était le plus doux des vœux de mon cœur, cette femme que j'avais aimée si tendrement dès mon enfance, que le bonheur de vivre auprès d'elle m'avait toujours paru le plus haut point de la félicité terrestre, et abandonner tant de biens, y renoncer pour toujours. Un orage violent s'éleva dans mon âme. Mais un regard jeté sur ma femme, dont les yeux maternels étaient attachés sur notre petite fille avec l'expression du calme et de la résignation, cet ange, à qui je venais de rendre la paix, me donna à son tour la force de ne pas détruire mon ouvrage. Appelès entra, il nous présenta les symboles de la Sainte Cène. Peut-être que cette auguste cérémonie n'a jamais été célébrée avec plus d'onction et de solennité. Nous avions tous les deux perdu l'idée que nous allions nous séparer par une mort prochaine. En me relevant, mes yeux se portèrent sur le clepsydre. La dernière heure de mon bonheur sur la terre était écoulée. L'officier rentra pour m'en avertir et notre courage nous abandonna. Nous nous embrassâmes avec une violence qui tenait du délire et nous désirions de mourir ainsi tous les deux. Je serrai mes enfants sur mon cœur, et il me paraissait impossible de m'en séparer. Mais il le fallait. Le centurion entra pour la seconde fois. Théophanie poussa un cri douloureux et tomba évanouie. Je la remis dans les bras de l'une de ses femmes, et je m'éloignai pour jamais. Arrivé dans l'atrium, je m'appuyai contre une colonne pendant qu'on resserrait mes fers, et là, je donnai un libre cours à ma douleur. Cette maison où je fus né, où j'ai reçu, il n'y a pas longtemps, les derniers soupirs de mon père, où je laissais une femme chérie et mes enfants, je ne pouvais m'en éloigner, ni retenir mes sanglots, lorsque je m'entendis appeler par mon nom. C'était la reine d'Arménie qui se présentait à moi sur le chemin de la mort. Elle fit signe à ceux qui étaient autour de moi de se retirer. Elle s'approche et me serre dans ses bras. Alors, elle m'avoua qu'elle m'avait passionnément aimé depuis le moment de notre connaissance, qu'elle m'avait préféré à tous les autres hommes et que, dans cet instant, je lui étais encore plus cher que tout ce qu'elle avait au monde. Quel instant pour un tel aveu! J'étais donc condamné à briser le cœur des deux femmes, les plus nobles, les plus sensibles. Mais pourquoi me le dire? Pourquoi verser encore ces gouttes amères dans le calice déjà plein? Théophanie n'en aurait pas été capable. Elle aurait emporté au tombeau un secret qui pouvait augmenter les peines de son amie. Mais je lui pardonne. Mais je n'en suis pas moins profondément touché, et de son attachement constant pour moi, et surtout de celui qu'elle témoigne à ma femme, bonne et tendre Calpurnie. Et moi aussi, jamais reproché de l'avoir soupçonné de la légèreté sous laquelle elle cachait ses sentiments. C'est ainsi que j'ai fini ma tâche, avec crainte, mais aussi avec confiance. Je m'approche du trône du juge éternel. Nos faiblesses sont incommensurables, mais sa bonté ne l'est pas moins. Le Fils de la terre se retire en tremblant auprès de la miséricorde infinie de Dieu, car le sang de son Fils coula pour la rémission de nos péchés, et notre patrimoine est la rédemption. Dieu soit avec toi, cher Phocion. Lorsque tu recevras ces tablettes, que je confie à Tiridate, mon corps reposera déjà dans la terre, et la destruction ravagera les formes sous lesquelles tu vis ton ami, ton élève, mais l'esprit que tu te plus à former, à développer, existera encore. Ton souvenir l'accompagnera au-delà du tombeau, et la reconnaissance qu'il te doit pour tant de sages conseils, tant d'heures consacrées à la vertu, et un exemple si salutaire, n'en sera que plus forte et plus vive dans le séjour du bonheur. Laisse-moi te le répéter encore sur le bord de mon tombeau, à toi, mon instituteur, mon second père, et s'il m'est permis, dégagé de la matière, d'apparaître à ma théophanie, sois sûr de m'apercevoir encore. Il est minuit. La faible lampe qui éclaire ma prison va s'éteindre, et moi aussi je m'éteindrai bientôt. Je vais me reposer. Le sommeil conserve son influence sur le corps fatigué, jusqu'au dernier moment. Demain, Demain, je dormirai pour ne plus me réveiller.